Salut, t'écoutes Une fille, un podcast et bienvenue dans ma capsule. Tu le sais, ma capsule, c'est là où je viens de parler de ce que j'ai écouté, de ce que j'en ai pensé ou de mes ressentis. Aujourd'hui, je vais te parler d'un vieux truc. 2017, 4 épisodes, un podcast qui s'appelle « Noir is the new black ». À la fin du quatrième épisode, il nous disait « À bientôt, et on se retrouve à la rentrée ». Et la rentrée est arrivée, on ne s'est pas retrouvés. Voilà, je ne sais pas, ça s'est arrêté. C'était diffusé sur Arte Radio. Peut-être que tu l'avais déjà écouté. En tout cas, les 4 épisodes qui ont été publiés sont toujours là, sont toujours écoutables. Et on peut toujours y trouver un intérêt, puisque ce n'est pas daté. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que ce podcast, c'était 3 trentenaires sympas, d'origine antillaise et africaine, qui parlaient de leur expérience, de leur vie, tout simplement, en fait. Ils nous racontaient un petit peu ce qu'ils vivaient, comment ils avaient grandi. Et puis, il y avait un thème quand même de prédilection au milieu de tout ça, mais qui était quand même qu'un prétexte pour parler de leur expérience. J'avais bien aimé. Et il y avait déjà des choses qui, dans la vie, dans ma vie sociale, certaines choses qui me faisaient tiquer, quand j'entendais parler de discrimination, mais qui n'étaient pas franchement claires, ou enfin, tu sais, des espèces de préjugés bizarres, où j'avais pas encore de mots pour ça, je ne savais pas, et c'est là que j'ai appris d'ailleurs qu'on appelait ça du racisme ordinaire. Et j'en fais peut-être probablement, sans m'en rendre compte également. Il y a tout un schéma de déconstruction de ce qu'on a appris pour lutter contre ça, je pense. Je ne me mets pas au-dessus des autres. J'imagine qu'en tant que blanche, je dois avoir des idées préconçues qui ont été ancrées depuis toute petite, je ne sais pas. J'ai l'impression que non, mais j'imagine qu'on ne s'en rend pas toujours compte, j'en sais rien. En tout cas, conscientiser tout ça est peut-être pas mal, et c'était là que j'avais entendu ça, la première fois. 4 épisodes super sympas, donc que je disais qu'on peut encore écouter. Noir is the New Black, en référence avec Orange is the New Black, je ne sais pas si tu as regardé la série. Non, je ne vais pas te parler de la série, puisque je t'ai dit qu'ici je venais te parler que de podcast. Mais voilà, c'est rigolo, le New Black, en fait, aux États-Unis est une façon de définir l'élégance et la mode. En fait, le noir, c'est la couleur à la mode indémodable et qui sera tout le temps là, toutes les saisons. Et donc, du coup, à chaque nouvelle collection, chaque nouvelle époque, il détermine les nouvelles tendances, les nouvelles couleurs. Et le noir est toujours la nouvelle couleur à réinventer. Voilà, le nouveau noir chaque saison. Ça me fait marrer. Bref. Pourquoi je te parlais de ça ? Eh bien, parce que je veux aborder un deuxième podcast que j'aime beaucoup écouter, qui me donne la même sensation que lorsque j'avais écouté « Noir is the New Black », c'est « Est-ce que ce podcast est fait pour moi ? Est-ce que ce podcast s'adresse à quelqu'un d'autre que moi ? Est-ce que je dois l'écouter ? Est-ce que je peux l'écouter ? » Au-delà de la curiosité qui ne serait pas une bonne raison pour moi d'écouter ce genre de podcast, tout simplement j'écoute parce que j'entends des voix et que j'aime bien les gens qui parlent, ça me suffit. Je me contrefiche un petit peu de qui il pourrait être et de ce qu'il pourrait représenter, puisque avant tout, ce que j'aime quand j'écoute, c'est de retrouver des humains qui parlent d'eux ou de choses qui les concernent. Enfin bref, voilà, tu vois, comme à chaque fois, comme je te dis, ce que j'aime, c'est les gens. Donc là, je vais te parler du Moicast. Le Moicast est un podcast de débat d'opinion sur la culture antillaise, guadeloupéenne, martiniquaise. Et le mec s'appelle Samora, c'est lui qui interview. Au début, je pense qu'il interviewait dans ses premiers épisodes des copains à lui, ou en tout cas des connaissances proches. Et puis de fil en aiguille, il agrandit son cercle et il commence à voir des gens... Alors je sais pas si je pourrais dire de plus en plus pertinent, parce que pour moi tous les gens sont intéressants, mais je dirais de plus en plus hétéroclites et qui lui sont pas forcément familiers. Donc on a des échanges vraiment vraiment intéressants. J'ai appris énormément de choses en écoutant ce podcast, même s'il précise bien au départ que c'est un podcast pour les gens qui savent prononcer goyave, et je ne sais pas prononcer goyave, je pense. Goyave. Ah, tant pis, je l'écoute quand même. Ça m'a ouvert sur une même plusieurs facettes des Caribéens qu'on n'a pas. La plupart du temps, quand on entend parler de cette partie-là de la France, c'est toujours négatif. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand il y a un sale truc dans les infos. Et puis, de toute façon, est-ce qu'on a vraiment tous les tenants et les aboutissants de l'information? On ne sait pas vraiment. Donc là, il va interviewer des gens qui sont des sportifs, des musiciens, des écrivains, des photographes. L'épisode 14, Vali, historienne et je pourrais même dire musicologue. Et franchement, cet épisode m'a vraiment, vraiment plu. Mais j'aime à retrouver l'ambiance de son podcast à chaque fois qu'il publie un nouvel épisode parce que c'est posé. C'est une discussion, pas vraiment entre potes, mais pas loin. Ils abordent des sujets que nous, on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors, nous, c'est nous les blancs, je dirais. Et je trouve que c'est important et enrichissant. Et je trouve ça génial, en fait, d'entendre quelqu'un qui vit là-bas nous parler de la politique ou quelqu'un qui est en métropole nous parler de ce qu'est le voyage pour les études et tout ça. Toutes ces choses qui me sont un petit peu étrangères et qui m'interpellent parce que, mine de rien, ce sont des tranches de vie et j'adore, en fait, qu'on me parle des gens. C'est vachement délicat parce que